Jean-Pierre Sartre. Elisa qui baza concepti, sa yango teo. Kipongwa na kalutu, lokola kanangaye. José Kongolo Mibeko, mère la loi, démocratie. Moto abota maka, na bolingo ya bato. Akokunda masoki awe, na bato yo balinga kaye. Les casse montou kiteka. Balembaka balingi, kasi bolingo teo. Na buki mobeko, na koluka bolo ponga imoko. Sponso na biso bolingo, tomesa na boye. J.C. Balls, Abraham Atingo. Sponso, sponso, sponso. André Kibingwa. Luizon Miyalo. Batika koni empela, batika koni ezika. Po eyebiko salamu salamu susute. J.R. Junza. Cultura mon quoi bongo yamoyo kipupa kipupa kipupa eh kuku mununi bolé Léon Manaja 4 saisons Sébastien Armando de Vosges. Ah. Charlie Franklin Pompéli. Moja Kasinga. Alaï Liwenge. Didier Bosenge. Un bijou de poche à l'époque de Clamédis. Ça fait si longtemps qu'on attendait ce moment. Serge Kayembe. Jack Ilunga. chanteur. Confirma na Afrika, na Europa, mpe na Amerika. Mambo ya dola besa. Come on. nando salinga kolo ipa katima anti dama adriya matora wo bele mweko kadisoni menga o sisi namate wana lili mwose weme sama wa Des golebi comme to jana rokito jipa ya metolo medawa sa José Toro Papitikeva Charles Moulumboule Baba Masengo Boyoka Fla Mubamini Olivier Ndombassien Mundo kusenga na yo zambeta Desanga ima kasi na longa na etuba ya se Bele liyo zaba Chava. Bleu. Kalu. Constantin Beni Kouboloa, Dovka Anita Lelia Tzangé, Yoka Roi Ruga Ruga. Pour nous parler avec tendresse, bébé c'est maman à Kirtis. Germaine Mbiti, Sikalo Boko. Amour na sali yo nini, poyotika na ebasi na nga pe suri roboto linga. Pe mawa ya koza angeloko, mote ma elinga, asamusa. Roger Poupa, José Moukeba, Sylvain Mazer. Jean-William na sali yo nini, poyotika na ebasi na nga pe suri roboto linga. Pe mawa ya koza angeloko, mote ma elinga. Cyril Syriac, Robert Sousa, Gabi Lopoke. Soki nazala kinambongo, nena somba bolingo na yo atala vantoza chen. Ako walingo eko miote kama sena ba milyon. Na batito akademi kenga gotye maskot. Nazwa kimbongo te ako futa nga kela se minene. Na nyalinga nga ye. Mawa Jean William na Mireya. Président Mombasa, Junior Pofito, Maman Monique Kambala à Londres, Jackie Amounia, Dominique Bilomba, ETP Bwengo, Justin Itibo. Naye tombe sene kimingi, loko la rama passo, loba kioza pompiere nga liso bolingo. Comme exposé dans la poussière, dans la déchet à cacahuète, sonni si loulou, yotikan à la voile, vive bandouti. Conseille à Nicodème Zola de Demoukadi. Kokombala, Ya Pepe Kafunga. na lula ye. Uta na monga ye. Photo qui chama un coup. Elle est jolie. Oh, oh, elle est super. Moi dans ma bali. Habaki mon dongo. Kayamba se temba. Habaki mon dongo tata. Cholito yeye mama. Habaki mon dongo. Babo mon dosse. Habaki mon dongo. Yeah.

mon abacouri j'adore. Et le service express, le travail bien fait. Christiana Kwasa, Wapi Beya Kalempika, Zobozi, Ma Petit Balembika, Ma Kateri Boudem Blanc, Oya Kenebe, Kenebe, Kenebe, Kenebe, Kenebe, Kenebe, Kenebe, Kenebe, Kenebe, Kenebe, Kenebe, Fidel Babala, Amadou Diaby, José Kongolo, Dalida. Charles Cône, l'homme à la page.